dépendant, ni comme tous ces morts-vivants. Je ne suis pas dans la folie, et j'ai déjà tout compris. Je ne voulais pas mourir, c'était seulement pour dormir. La dernière fois, c'est promis. Laissez-moi donc repartir. Je ne veux pas de l'hôpital, tous ces foutus, ces malades. Laissez-moi rentrer chez moi avec l'arrêt de travail. Jamais plus d'alcool, c'est terminé la décolle. Et si jamais on m'en donne, je le viderai dans les chiottes.